Je circule à la même vitesse que le camion. Je continue et je m'engage. Réponse A. Je ralentis et je cède le passage. Réponse B.